sonné, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo. Vous êtes sur le 107 FM. Vous nous suivez également sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, plus de 800 personnes ont vu notre publication pour cette émission. Merci à tous. Bonjour le Québec, bonjour la Suisse, la Belgique, l'Italie et la région Alsace plus particulièrement aujourd'hui. Je fais un coucou à Daniel Glibert pour son sympathique message pour l'émission de la semaine dernière. Daniel qui nous suit depuis la Belgique. Bonjour la technique, bonjour Mika. Salut Gilou, bonjour à tous. Tu vas bien ? Impeccablement. Voilà, je change de technicien encore cette semaine. C'est cool. C'est cool. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne avec la plus belle musique et ce jusqu'à 17h30 et en direct. Pour cette émission, j'ai le grand plaisir de recevoir en live dans nos studios Rino Lombardi, qui va nous parler de sa carrière, de son univers musical, et nous présenter son tout dernier album, Elle est mon ange. Avant de rejoindre notre invité, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio, ainsi que sur la page officielle Gilles Mougel. Donc des bisous à toute l'équipe, je transmettrai en direct à l'antenne. Vous avez la possibilité de nous appeler au 03 29 62 40 40 pour nous faire un petit coucou sur les ondes et bien sûr interagir avec notre invité, avec nos invités, je dirais, je vais repréciser tout à l'heure, Rino Lombardi, que je retrouve maintenant. Voilà, bonjour. Bonjour Rino. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Natacha. Bonjour. Ben, bienvenue à tous les deux dans Natacha, nos qui n'est jamais studios. Loin. Hein. Qui n'est jamais loin de moi. Oui, d'accord. Bienvenue à tous les deux donc, dans notre studio. C'est formidable. Je vous remercie beaucoup. Vous avez fait bonne route ? Très bonne route. Très bonne route. Avec des paysages magnifiques, des Vosges. Magnifique, hein, voilà, en oui. passant belle de l'Alsace. Couleur d'automne. Extraordinaire. Couleur d'automne, en plus, belle journée. Belle journée. Ouais, c'est très romantique. C'est vrai qu'on est encore assez gâté en ce moment. Hein, c'est oui, vrai. C'est on vrai. A encore du beau c'est temps. Vrai, c'est, voilà. Vrai. C'est vrai qu'on est au mois de novembre déjà, mais oui. c'est formidable. Hein. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, bien sûr, oui. Alors, avant que j'oublie, je vous passe tout de suite le bonjour de mon amie agente Lynn Massé. Qu'on salue. Voilà. Hein, qu'on pensait voir, mais et voilà. J'apprends qu'elle est au Québec, elle Lynn. Elle est au Québec, Lynn. Alors, voilà, d'autant plus, alors, je la salue d'autant plus chaleureusement que le Québec, c'est un très bon souvenir pour moi, dans la mesure où j'ai fait des grosses tournées avec mes amis Sweet People avec et Sweet Alain People, Morisseau. Alors, voilà, oui, oui, bien sûr. Oui. Et puis, je n'ai que des bons souvenirs, vraiment. C'est un public extraordinaire, les bien Québécois. Sûr. Ouais. Et on c'est vrai que le Québec et puis la France, on a toujours été des cousins, hein, nos cousins québécois. On nous qui aiment la bonne musique, les belles mélodies. Bien sûr. Ouais, voilà. Oui, oui, et tout le monde chante au Québec. Voilà. Alors, Rino, donc 50 ans de carrière, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr, hein, c'est ça. Il paraît. Hein. Oui, il paraît. Alors, ça commence... Ça plus commence, que 50 plus même. Plus que 50 hein. même, d'accord. J'étais sur scène à 16 ans déjà. Alors. Oui, ok. Tu vois, le temps passe. Alors, ça commence comment? Ça commence comme la plupart des chanteurs à l'époque. Ouais. Il fallait jouer d'un instrument parce que c'était pas évident à l'époque. Il n'y avait pas de karaoké, il n'y avait rien. Si tu voulais chanter... Il fallait apprendre un instrument, donc j'avais travaillé la guitare et je suis rentré comme chanteur-guitariste dans un orchestre de bal, comme la plupart des grands chanteurs aussi, comme hein, tous qui les ont chanteurs, commencé. Bien sûr, ils ont voilà, commencé comme Cabrel ça. Et compagnie, on a fait du bal, c'est une bonne école, et puis le temps a passé, et jusqu'à ce que je me mette à composer moi-même. Et voilà. Et... D'accord. Alors, voilà. On rappelle, tu es auteur-compositeur ou... Je suis auteur-compositeur-interprète. Oui, bien sûr. Oui. Mais un peu fainéant comme compositeur, mais ça va, je m'en sors. Oui, je veux dire, donc auteur-compositeur, voilà, interprète, ouais. Hein, bien sûr. Mm. Non, c'est vrai que je le dis souvent, les balles, comme on disait, les premiers balles, tout ça, pour les artistes, c'est une bonne école. C'était extraordinaire, surtout école. Dans les années 70, ça... parce que les orchestres avaient une importance. Aujourd'hui, ça peut faire ringard. C'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, c'est vrai. Pour les jeunes, un orchestre, ça peut faire ringard. Ouais. Mais Dieu sait qu'on a appris notre métier. Et moi, je suis passé des chapiteaux alsaciens aux grandes salles de spectacle au Canada, oui, par exemple, sans complexe. Mmh. Parce que j'avais appris mon métier dans les balles, voilà, bien sûr. Voilà, dans les balles, bien sûr. Ouais. Seulement, il faut le faire avec cœur. Chaque fois que tu chantes sous un chapiteau, ben, c'est ton Olympia. Voilà. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de différence, voilà. Et puis, comment je voulais dire... c'est vrai que donc c'est on apprend son métier. Oui. Hein, on apprend son métier, c'est une bonne école, voilà. Hein, c'est une chose. Oui, on apprend à se tenir, à poser sa voix. Voilà, tout ça, bien exactement, sûr. Exactement. Ouais. Exactement. Mm-hmm. Ouais. Alors la guitare pour composer, la guitare. Oui, ça aidait à l'époque. C'était plus difficile si tu jouais pas d'un instrument. C'est vrai. Ouais, il fallait avoir un pianiste qui t'accompagne ou un guitariste. Alors que si tu fais toi-même, ça facilite. Ça facilite, oui. Ouais. Et jouer en autodidacte ou alors... J'ai pris des cours. J'ai cassé les oreilles à mon père jusqu'à ce qu'il m'inscrive à des cours de guitare. Ouais, ouais. Ouais. Donc oui, j'avais vu que tu avais travaillé aussi avant, hein, bien sûr, pour... J'ai même travaillé au chantier avec mon père pour qu'il puisse me payer les cours. Voilà, c'est ça. Il ne roulait pas sur l'or, alors il fallait bien faire un effort. Ben, bien sûr. Hein? Ouais. Mais quand on veut, quand on veut quelque chose, quand on a une passion, je pense que voilà, il faut faire des efforts, des sacrifices. Efforts, voilà. Ouais. Et puis, je veux dire, à cette époque-là, on n'avait pas tout comme ça qui arrivait. Mais tout ce qu'on aime ne fatigue pas. Ah ben, bien quand sûr. Quand on aime, on... Ah voilà. Bah oui, on a une passion. Donc on arrive à faire des choses qu'on croyait pas possible de faire. Tu vois c'est vrai. C'est... Moi, je fais juste une petite parenthèse. Moi, je suis arrivé à la radio. C'est grâce à mon ami Mika là, qui est là, qui fait la technique. Oui, c'est Mika qui m'a donné le goût de. Qui m'a donné le goût de la radio. Il m'avait invité une première fois comme ça, puis après, voilà, tout doucement. Et c'est une drogue, tu pourrais pas t'en passer, hein. Mon Dieu. Hein bon. Ouais. Alors, j'ai fait un petit break, c'était il y a 2 ans. Oh, je ne sais plus, ça passe tellement vite. C'est vrai. Mais au bout de 2 mois, j'étais déprimé. Hein, non, pas du tout. Tu ranges les ongles. Hein. Ah oui, non. Ne serait-ce que déjà rien que la radio, hein, je veux dire, c'est vrai que c'est... J'avais plus de contact, tu sais, il n'y avait plus rien. Et puis moi, j'aime bien le contact, j'aime bien aller vers les gens, tout ça. Puis ça fait drôle d'un coup quand on s'arrête, je crois que Mika peut le confirmer aussi. Ça fait drôle quand on s'arrête, c'est vrai. C'est comme moi quand je pars en vacances, au bout de 3 semaines, j'ai hâte de retrouver la scène. Mais oui, bah c'est comme si c'est ta maison. Bien sûr, voilà. Alors, tu as à côté de toi Natacha. Natacha, donc qui chante. Qui chante bien. Qui chante bien, bien sûr. Oui. Donc, sur certaines de tes compositions, de tes chansons. Bien sûr. Voilà. Oui. Alors, Natacha, tu as rejoint Rino à quel moment dans sa carrière? Eh bien, j'ai eu la chance, on va dire, de monter sur la scène. D'abord, j'étais en bas devant lui, en train de le regarder chanter. D'accord. Avec passion. Et j'ai eu la chance, il y a 18 ans, de pouvoir passer au-dessus. Au-dessus, hein, voilà, de l'autre côté du rideau. Ça va, il n'est pas trop dur comme... Non, justement, c'est bien parce qu'il est exigeant, mais exigeant. Au moins la qualité est là. Voilà, c'est sûr. On ne fait pas à peu près et c'est ça qui est bien. Ça entend de toute façon dans les chansons et tout. Alors si vous voulez bien tous les deux, je vous propose qu'on écoute une première chanson. Volontiers. Qui est intitulée Nos 20 ans. Ah oui, que j'aime beaucoup. On écoute et on reparle après. D'accord. Merci. Merci. s'est enfui. C'est bon d'aimer la vie. Tant pis si tout ne va pas aussi vite qu'avant. Tant pis si l'on voit s'en aller tous nos enfants. Tant pis si elle nous semble vide la maison. Tant pis si aujourd'hui sont si loin nos 20 ans. S'est enfui. Nos 20 ans. Comme quoi on peut retrouver nos 20 ans même ah, en musique. Ah, bien sûr, exactement. C'est, avec c'est une, les bons une belle souvenirs chanson, là, hein. Qui ouais, sont ouais. indélébiles. Puis moi j'aime bien alors le côté, bon ben voilà, on entend Natacha hein, qui, voilà, qui oui, démarre oui, la oui. chanson, voilà, et puis après toi Rino, qui... ouais, ouais, c'est ouais. vrai que c'est, ça c'est une superbe chanson. Alors donc c'est, ça c'est tiré d'un, de ton album, J'ai repris ma guitare. C'est ça, oui. Ah, c'est bien ça, oui, je ne me oui. trompe pas. Hein. Oui, c'est le, non pas l'avant-dernier, c'est le troisième dans l'historique. D'accord. Voilà, ouais, ouais, il y a okay. quelques années. Mm-hmm. Alors, donc, Rino, on a parlé, donc, ben, les balles, etc. Les balles, incontournables. Tout ça, voilà, incontournable. Et une rencontre avec Eddie Barclay. Eddie Barclay, ah, oui, mais Eddie Barclay, je... alors Eddie Barclay, alors, c'était à l'époque des balles, justement. C'était à l'époque des balles. Alors, ça se passe en 76. J'ai rencontré ah, Eddie 76. Barclay en 76. En oui, 76, oui, oui. voilà. Oui, c'était le temps où on allait à Paris de temps en temps taper aux portes avec oui. des maquettes. D'accord. Ouais. Des maquettes en espérant rencontrer un directeur artistique. Un directeur, oui. Et j'ai rencontré Léo Missir, qui était un grand ah, directeur oui. artistique, qui s'est occupé de Balavoine, Nicoletta, Missir, Christian oui, Delagrange. Ouais. Oui, oui. C'était un grand, grand. De... Et qui a trouvé, comment dirais-je, ma voix. Rock un peu à l'italienne intéressante oui, oui. et qui m'a fait enregistrer à 45 tours une version de Droopy, une version italienne. Ah oui, Droopy, de mais, Droopy, d'accord. Okay, mais moi, je l'ai faite en français. Ouais. Malheureusement, ça n'a rien donné. Ça hein. n'a rien donné. Ouais, je crois, non, mais il y a juste la famille qui a acheté le 45 tours. C'était Bella voilà. Bellissima. Bella Bellissima. Bella Bellissima, d'accord. Ouais. Oui, oui. Bien sûr. Un deuxième disque chez Polydor en 1981. Chez Polydor, chez oui, Polydor, en Volianité, voilà. oui, oui, oui, oui, oui. Oui, alors, bon, je voulais revenir, donc, Eddie Barclay, c'était quand même un grand monsieur du... c'était surtout impressionnant. J'ai rencontré Tony Rallo, le grand arrangeur, dans les studios Barclay, où il y a oui. les grands, comme Claude Nougaro qui enregistrait, tout ça, Aznavour. Ouais. C'était... J'étais impressionné parce que c'est des gens qu'on connaissait de tu sais, quand on s'intéresse à la musique. Oui, oui, bien sûr. Ce sont des noms, regarde les pochettes des disques. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Et après, de rencontrer Eddie Marnay, que j'ai rencontré. Eddie Marnay aussi, oui, je connais de nom. Ouais. Voilà, c'était impressionnant. Et Barclay, c'était quand même, c'est quand même lui qui, si je ne me trompe pas, qui a fait venir en France, enfin qui, comment dire, qui a inventé le micro-sillon. Qui a porté le micro-sillon. Bien sûr. Voilà. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Le micro-sillon, donc les 45 tours. Il livrait les premiers 45 tours avec sa femme en vélo. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Pour c'était le pionnier du 45 tours en France. En France, oui, tout à fait. Tu n'as pas eu l'occasion d'assister à ces fêtes. Tu sais qu'ici, qui faisait tout en blanc. Tout le monde était habillé en blanc. Oui. Mais moi, j'étais quand même... Je regardais les transparences des robes des femmes, tu sais. C'était au bord de la piscine à Saint-Tropez. Il y en a peut-être qui sourit. Je voyais surtout le corps des femmes, tu sais. D'accord. Dont la sienne d'ailleurs, hein, qui était une belle femme. On va en reparler tout à l'heure de ça. Autrement, il y avait Carlos, il y avait tous ces. On va parler de ce blanc tout à l'heure dans la prochaine chanson. Oui. Dans la prochaine chanson. Alors en 83, rencontre avec Charles Tallard, qui est aussi un grand producteur. Oui. Et oui, là, Charles. Tu sors aussi un premier succès. Et Damila Mano. Damila Mano qui a bien marché en France. D'accord, ouais. Chez Pathé Marconi. Oui, qui était programmé donc sur les grandes radios qu'on avait à l'époque, RTL, etc. Oui, etc. Hein. Et puis classé dans le top 50. C'est ça. Ça, c'était bien. Oui, ça m'a permis de faire quelques télévisions. Quelques télévisions, À tout cœur de Sabatier, etc. Patrick Sabatier, voilà. Oui, je vois ce que sur ta bio. Là, voilà, Patrick disons, voilà, des petits pas dans le métier. Des comme petits ça, pas dans le métier. Ouais, qui te forge une expérience. Bien sûr, toujours l'expérience. Et puis on gravit tout doucement les échelons. Voilà, du succès qui arrive tout doucement. Oui, que tu arrives, ça te donne une contenance toujours. Ça, c'était bien. Je redis toujours que c'était bien parce que voilà, on a parlé des balles, ça donne, ça forge, ça booste, etc. Oui. Et on gravit tout doucement les échelons, tout ça. Que maintenant, un artiste peut avoir du talent, enfin, je veux dire, pour avoir une voix, et il se présente dans une émission à la télé. Il faut avoir la voix et puis il faut avoir la contenance, la présence. Oui, mais il n'y a pas toujours l'expérience. Voilà, il ne faut pas être impressionné non plus par le passage télé. Alors des fois, c'est dommage parce qu'il peut y avoir de belles voix, mais des fois, il retombe vite dans l'oubli. Oui. On leur promet des, en fait, des Gilles, belles c'est choses. C'est toujours le public qui décide. Ah, bien sûr. Je crois qu'on peut faire... Il faut... Moi, je suis arrivé à une conclusion, c'est que quand tu as une occasion de chanter, tu chantes avec le mieux. Tu peux, avec ton cœur, tu fais ce que tu peux. Et puis, ma foi, les gens qui accrochent, ben ce seront eux, ton public. Le public, bien mais sûr. Mais c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas forcer. Puis, souvent, nos jours, il y en a beaucoup qui, surtout avec Facebook, tu le sais, du jour au lendemain, ça devient des stars. Ouais. Ils se proclament stars. Ah oui, alors ça... c'est facile de s'autoproclamer. Ça me fait sourire. C'est comme quand il s'est fait empereur, tu sais. Oui, d'accord. Voilà, je suis. Mais c'est pas ça, c'est pas mais, tout à non, fait non, ça. C'est sûr. Non, mais ça me fait sourire, Facebook, parce que bon, c'est vrai qu'il y en a des fois qui... Mais il a fait des carrières, hein. Il y en a des fois qui ont fait 2-3 chansons, puis paf. Il crée des carrières. Ils sont tout de suite... Mais c'est très mauvais parce que... Comme tu dis, des stars ou des... Oui. Ah, mais en fait, bon, j'ai eu très rarement l'occasion dans mes émissions, mais je veux dire... Pour la plupart des artistes, ils restent tous, modestes. Modestes, voilà. Oui, quoi, il faut. Même. Il faut. Voilà, il faut. Et voilà. Et t'en as, comme je disais tout de suite, à 3 chansons, et boum, j'étais tête, et puis ils te connaissent plus après, tu sais. J'étais à Bernevillers l'autre jour, j'ai fait 200 personnes, ça y est, je suis arrivé, quoi. Ouais. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. Alors une tournée aussi je vois au Benelux dans des discothèques Mais c'est-à-dire qu'il y a un âge où tu as envie de bouger, où tu as envie d'exister hein. Donc c'était dans les années 80, c'était surtout les discothèques qui permettaient à des jeunes chanteurs donc tout de suite après l'épopée et le contrat Barclay, j'ai fait des tournées en Corse, un petit peu partout. Ouais. Ça te permettait, si tu veux, d'essayer d'être connu. Voilà, tu vois. Bien sûr, oui. D'accord. Donc Barclay te faisait des affiches pour pouvoir Et voilà, oui, voilà, et t'essayes d'avancer comme avancer, ça. Voilà. Alors ça marche ou ça marche pas. Bien sûr. Alors Natacha, moi je voilà pour te demander avant donc que tu chantes tout ça, quelles étaient tes passions, enfin ton métier. Mes passions c'était d'écouter Rino. D'écouter Rino Rivers. Ah c'est bon. Et d'essayer de négocier. Le groupe Rino Rivers, c'était Rino Rivers. Voilà. Ça, c'est bien et ça, d'essayer ouais. de négocier avec les parents pour avoir la voiture, pour pouvoir aller se rendre même s'il était au fin fond de l'Alsace. À 100 km de domicile. D'accord. Ce qui rendait mes parents d'ailleurs fous parce qu'il y avait des balles à proximité, mais moi je voulais aller écouter Rino. Donc Rino, bien sûr. Donc une grande. On précise tout de suite, grande je n'ai pas payé pour que tu dises ça. Oui, et je n'ai pas été payé pour dire ça, bien sûr. Donc une grande fan. Rino, on était en fait toute une équipe, toutes les filles de mon village. J'ai eu la chance que tout le monde était un peu dans le... bon, en même temps quand vous avez vu Rino première d'être fois. Jeune... Oui. Vous pouvez plus aller ailleurs. Enfin, oui, mais ça je comprends dis bien. Ça, je suis peut-être pas. Alors, objective, mais. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, ce qui est bien aussi pour nous les hommes, parce que bon, j'étais avec la semaine dernière, j'étais avec un artiste, Christian Vidal. Oui. Tu connais Christian Vidal. Oui, je connaissais. Sûr, hein. Oui, donc oui. Donc il était bien sûr. Oui, oui. La semaine dernière en studio. Il avait fait des beaux titres. Il avait fait des beaux titres oui, aussi. C'est alors, vrai. Je disais, c'était l'époque des chanteurs à minette. Oui. Ah, oui, c'était oui, tout à les, fait. Les chanteurs à minette. Alors bon, c'est pas péjoratif, hein, Natacha. Non. Donc c'est vrai que. Alors, on parlait tout à l'heure de. Que maintenant, il n'y a plus de balles, enfin, de choses comme ça, que ça devient. C'est-à-dire que les minettes sont devenues un peu plus mûres. Donc elles sont moins impressionnées aussi. Hein. Alors, mais tous ces chanteurs-là touchaient beaucoup les jeunes c'est filles, vrai, c'est vrai, les y avait... jeunes femmes. Et puis nous. Parce que je redis, on se rabâche. Nous, à l'époque, on avait des slow. Ah oui. Donc oui, nous, oui. Les jeunes hommes, ben, on aimait bien aussi Christian Vidal, Mike Brandt, bien sûr, etc. Et ça nous permettait d'aller inviter, sur les slow, ça nous permettait d'aller inviter les jeunes femmes. Oui. Donc oui. Alors ça nous touchait aussi, nous les hommes, il n'y avait pas que les jeunes ça aidait, ça aidait ça quand aidait. Tu dansais avec une fille. Hein, bien sûr. Avec des belles paroles, des belles musiques, ça aidait. Exactement. Hein. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Où tu veux aller dans un bal? Tu laissais faire le chanteur un peu, quoi. Je rebondis un peu sur ce que vous dites aussi. Rino avait une particularité, c'est qu'il avait aussi un public masculin parce que ses prestations, c'était pratiquement des concerts. Oui, d'accord. C'était pas seulement. C'était aussi pour les midinettes. Hein, pour les midinettes, je faisais partie, je m'en cache pas. Mais c'était aussi. C'était comme un concert. Oui, c'est sûr. C'était incroyable. Non, mais tant soit plus qu'on aime bien la musique, la belle musique. Bon, je veux dire, voilà, moi j'ai adoré tous ces chanteurs-là des années 70, bon, même après 80 aussi, bien sûr, mais là, c'était la période, c'était une époque, une belle époque, je trouve, les années 70. On était encore dans l'insouciance, on était encore dans le... C'est vrai, c'est... Et quand tu faisais les balles, Gilles, t'étais obligé de faire de tout. Tu pouvais faire que des slow. Non, tu, bien sûr. Il fallait créer une ambiance... Dans les marches, les valses, ah oui, etc. Tu vois, bien sûr, oui. Et oui. Tout ça, ça fait que tu étais obligé un petit peu de t'adapter à toutes les musiques. On faisait du AC/DC à l'époque. Ah ouais. Ah mais attends, non ah mais d'accord, attends, okay, on rigolait pas. C'était du Johnny, les Johnny. Ah, du Johnny. Maintenant du Johnny, encore. Ouais. Il fallait. Oui. D'accord, bah, tu me parles de Johnny, donc tu as fait un hommage à Johnny dans. Ah ton, mais j'ai toujours aimé dans, Johnny. Dans ton dernier album. Hein, bien sûr. Voilà donc. Mais dans chaque album, j'ai pris. Très souvent, je reprends une chanson de Johnny de temps en temps. Oui. J'évite de prendre les gros tubes très connus. Oui, des chansons peut-être. Je préfère prendre une chanson moins connue. Oui. Mais voilà, j'aime bien. Bien sûr. Alors, si vous voulez bien, on va écouter une deuxième chanson. On veut bien. Alors, celle-là, je l'aime bien particulièrement. Je vous dirai après pourquoi, mais bon, on en parle après. Alors, on écoute L'infirmière de nuit. Ah! Se bousculait dans ma tête et mon cœur battait. Oh. branchais en souriant sur mon lit. Je priais pour que ce moment s'arrête, pour passer la nuit en compagnie de Lorette. Bien sûr, elle n'en a jamais rien su, et je ne l'ai jamais, jamais. L'infirmière de nuit. Elle est Mimi, hein ? Ah, elle est Mimi. Elle est Mimi. Alors, l'infirmière et la chanson, elle est un peu coquine. Un peu coquine, mais c'est tout à fait bien, c'est pas vulgaire. Et ô combien c'est vrai, Gilles. Mais tout à fait. Alors, qui sait qui n'a pas été à l'hôpital et qui... à condition de ne pas être trop gravement malade. Donc, bien sûr. Mais on a toujours des petites pensées pour les infirmières. Voilà. Est-ce que c'est autobiographique, ça ? Enfin, Un petit peu, Rino. Ça fait toujours un peu partie de la vie. Ouais, non, mais j'aime bien cette chanson. C'est vrai, comme tu dis, c'est un petit peu coquin. Bon, voilà, c'est sans vulgarité, bien sûr, c'est un peu coquin. Et puis on a tous un petit peu. Alors, c'est vrai que les infirmières, c'est un peu le fantasme, on va dire. Voilà, c'est ça. Puis moi, bon, alors c'est bien, c'est rythmé. J'aime bien, c'est rythmé, tout ça. J'avais la musique et il me manquait le texte. Et j'ai tout essayé, pas mal de sujets. Ouais. Je sais que j'avais déchiré pas mal de feuilles. Ouais. Jusqu'au jour, tiens. Je me suis imaginé à l'hôpital, comme ça. Et puis voilà, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul, comme ça. Alors bon, moi, j'ai eu un petit coup de cœur, on va dire comme et ça. Et les hommes aiment bien aussi. Hein. C'est vrai. J'ai eu un petit coup de cœur parce que moi, j'ai travaillé à l'hôpital. Ah. J'ai travaillé à l'hôpital pendant 42 ans. Ah ben voilà, d'accord. Voilà, hein, puisque voilà, j'ai fait toute ma carrière au centre hospitalier d'Ormiremont ici. Ah oui. Et puis bien sûr, je voyais les infirmières. Et quand on parlait de costumes blancs tout à l'heure chez Barclay, c'est vrai que bon, au début que je travaillais, bon, les infirmières étaient encore en blouse. Et après, mais bien sûr, c'est érotique, ah, faut dire ce qu'il y a. Une infirmière, je trouve ça beau, moi. Ah oui. Et puis après, bon, je sais plus en quelle année, donc après. On avait le costume maintenant, donc avec la blouse, le pantalon. Au début, c'était un petit peu, voilà, elles étaient en blouse et puis blouse, hein, sans pantalon, hein. C'est comme ça que je les voyais, moi. Hein. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Dans les premières années que j'ai travaillé, c'était tout à fait ça. Alors, des fois, elles descendent parce que moi, je travaillais dans la logistique. Voilà. D'accord. Et des fois, elles descendaient nous voir pour nous demander quelque chose, etc. Et d'accord. Puis, on avait une grande porte à l'entrée du magasin, c'est magasinier. On avait une grande porte et puis bon, ben, avec le soleil, ça faisait comme tu disais tout à l'heure. T'étais encore mieux. T'étais pas du côté malade. T'étais encore. Oui, on va là. On avait proximité différente. j'étais jeune là encore. Voilà. Bon, ben, c'est sympa. Hein, sympa. Voilà, c'est sympa. Très sympa. C'est sympa. Bien sûr. Voilà. Alors, un premier disque en français, Rino, qui s'intitule Fille d'Afrique, qui sort en 88 chez Sony Music. Voilà. Oui. Mm. Qui est sorti au Canada aussi. Qui est sorti au Canada aussi, d'accord. Oui. Fille d'Afrique, qui est une chanson, je crois que, franchement, à toutes mes soirées, je vois jeune et moins jeune, tout le monde la chante, tout le monde connaît les paroles par cœur. D'accord. C'est une chanson qui a beaucoup marqué en Alsace, surtout, qui marche bien. D'accord. Ouais. Alors, ensuite, donc, Amoureux. Amoureux. Qui deviendra numéro 1 au Liban. Au Liban. Ah ouais, ouais, là, c'est... Ce qui m'a permis d'aller chanter au Liban. D'aller chanter au Liban, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Oui. Donc, Amoureux, on va l'écouter. Oui, on l'écoute volontiers. On va l'écouter. Volontiers. Un petit peu plus tard, parce que mon technicien, il ne suit pas. Coucou. Voilà, Lou, donc une autre amie, voilà, collègue animatrice. Voilà. Bonjour. Elle a, je lui dis toujours, je ne peux pas m'en empêcher, hein, elle a un sourire radieux. Même c'est rigolo, elle est venue quand on a passé l'infirmière de nuit. Hein. Ah ouais, hein, t'es entendu. Ça lui irait bien d'ailleurs. Je pense aussi. Voilà, alors on s'était proposé, Mika, d'écouter la chanson Amoureux. C'est la 9, si tu veux, sur la playlist. Merci. Elle est belle, à vous couper le souffle, tellement femme que les hommes se retournent. C'est pour elle que mon cœur bat plus fort devant elle. Je ne trouve plus les mots et j'en rêve. Son image me poursuit au point même de faire rire mes amis. Amoureux, serais-je donc amoureux? Je voltige sur un fond de ciel bleu. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre, comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous, comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse. Quand on est amoureux, la vie change, rien n'est jamais perdu. Elle est douce, son regard me fascine. Quand elle marche, elle devient ballerine. J'ai envie de la voir tout à moi. Elle est femme jusqu'au bout de ses doigts. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre, comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous, comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse. Quand on est amoureux, la vie change, rien n'est jamais perdu. Plus fort. Devant elle, je ne trouve plus les mots. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre, comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous, comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse. Amoureux, la vie change, rien n'est jamais perdu. C'est fou comme un regard parfois peut vous donner la fièvre, comme un vol d'oiseau peut vous emporter loin de chez vous, comme un jour qui se lève peut vous mettre le cœur en tendresse. Voilà. Amoureux. Quand on est amoureux, quand la vie change, rien n'est jamais perdu. Ah, c'est formidable. C'est pas vrai, ça? C'est, si, ah, c'est beau, là, bon, c'est beau, c'est vrai. Mais hein, oui. C'est vrai. Donc, Amoureux, on l'a dit, qui viendra numéro 1 au Liban. Ça te permet donc de chanter là-bas, Rino, oui, donc, oui, oui. Au Liban. Et là, on va arriver avec la rencontre avec Alain Morisode. Alain Morisode, que j'ai de connu suite, en... Oui, oui, où on avait fait un concert en Alsace. Alors, je... en 80, juin 89. D'accord, et j'ai fait la connaissance de Morisot. Il y avait Franck Michael d'ailleurs la même soirée. Oh ouais. Et oui, oui, c'était. Et puis finalement, on a sympathisé avec Morisot. Et, ouais. Et lorsqu'il a eu besoin d'un chanteur, Jean-Jacques Aigli avait arrêté quelque temps. C'est ouais. moi qui suis parti, qui l'ai remplacé. D'accord. Et je suis parti faire des belles tournées au Canada. Au Canada où, avec. Oui, oui, où il était très connu. Sweet People, ouais. Ouais. Oui, oui. D'accord. Oui, c'est Sweet People, c'est vrai que c'est. Alors, quand j'ai écouté tes chansons, hein, quand j'ai préparé donc, la playlist, l'émission, oui, tout oui. ça, donc voilà, je lui dis. J'avais pas regardé tout de suite la bio. Hein, ah oui, oui. T'as senti une similitude dans les chansons, ah oui, dans, peu, comme ça, dans la mélodie. Dans hein. la mélodie, puis après la voix quand même aussi. ouais. dans ta voix, quoi, je veux dire. Hein. Ouais. Parce que bon, ben, donc Lynn m'avait envoyé les fichiers, tout ça. Et je commence par m'imprégner, enfin, la musique, oui. etc. Bon, après, il y a un petit travail à faire sur l'ordi pour normaliser, tu vois, que ça passe bien, que oui. ça soit bien fluide en radio. Alors, je dis pas ça que je dis pas que c'est mal que c'est mal enregistré. Hein. Mais Morisot, il est mais très fort. Mais c'est juste pour que ça soit bien. Morisot, il est très fort. Il savait ce qu'il faisait. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je me dis oula, dans les mélodies, comme tu me disais. Et puis après, je sais plus sur quelle chanson, donc sur ta voix, je me dis oula ça. Et après, je dis ah, je lis sur ta biographie, ah, Sweet People, ouais, d'accord, ok. Et puis enfin, donc Lynn m'en avait parlé quand même. On en avait un petit peu parlé. Il me dit, oui, oui, oui, oui. Lino l'a chanté avec Sweet People. Mmh. Puis moi, croyant connaître bien Sweet People, je me dis, tu crois que c'est une époque qui t'a échappé, peut-être. Oui, oui, c'est peut-être une époque qui m'a échappé. Je me dis, mais t'es sûr parce que je... Puis après, c'est vrai que voilà, la voix, c'est vrai que c'est. Oui, c'était 93-97. 93-97, ouais, ouais. ouais. Et comme je te disais en aparté tout à l'heure, je veux dire, Sweet People, moi j'ai découvert en 1983-84 avec oui. le premier 45 oui. tours. Oui, oui, oui. Le premier 45 tours. Adieu et bonne chance. Adieu et bonne en chance, France. Voilà. Oui. Ils en ont sorti 2-3 hein, en France. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Donc eux, ils viennent de Suisse, hein. Ils sont suisses. Genève, Genève. De Genève, oui, hein, à exact. L'origine, hein. ils sont suisses. Hein. C'était la même époque que Peter et Sloane. Peter et Sloane, ah c'était oui, c'était la même... Ah oui, d'accord, oui, avec leur titre. Il y avait des duos comme ça, ah oui, ok, ouais. d'accord, ok, ouais. Il manquait mais... Natacha et moi, mais bon. Mais voilà, ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. C'est bien. Non, mais c'est vrai que c'est... Moi, j'aime bien toutes ces chansons-là et... Tu sais, bon, je parlais tout à l'heure des années 70, encore les années 80, c'était pas mal. Oui, oui, oui. Encore oui. les années 80. Mais après, à partir de 2000, il n'y a plus rien trop qui m'intéressait, moi, musicalement. Alors, je veux dire, à part les grands, on va dire Johnny Sardou. Oui, oui, oui, oui. Après les autres qui sont arrivés, Bruel, Fiori, etc. Je veux dire, tout cela, c'est des bons artistes et ils ont traversé les décennies. Bon, à part ça, mais tu vois, dans la nouvelle génération, je ne trouvais plus rien qui m'intéressait. Alors, moi, après, ce qui était bien, c'est voilà, ces groupes-là, Sweet People, vous, les artistes comme toi, Rino, oui, oui, oui. La variété allemande, parce que je m'intéresse aussi à la variété allemande, je suis quelques chanteurs, tu oui, vois. Tout ce, qui, voilà. tout ce qui est mélodie. Tout ce qui est mélodie. Alors, j'allais me promener en Alsace, voilà. parce que bon, j'ai de la famille là-bas, j'allais me promener en Alsace, puis à l'époque, il y avait encore les marchands, enfin, il y avait le marché. Oui. Et sur les marchés, il y avait encore oui. les vendeurs de disques. Exactement, encore aujourd'hui. Bah, j'en trouve plus si, trop. Si. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Gilles, il vend tous les... Ouais. Il est tous les jeudis, tous les samedis au marché. D'accord. Il passe les CD, il vend. Ouais, ouais. Je sais que j'avais l'habitude d'aller à Colmar, c'était le samedi, il y avait un marché, et oui. la personne qui vendait nous faisait écouter. C'est ça. Ça, c'était bien. C'est parce ça. Que là, tout de suite, je sais, une fois, je suis tombé... J'écoutais de musique, je dis oh c'est pas mal ça, puis voilà. Oui, et oui, voilà oui, donc oui. voilà je dis voilà après j'aimais bien ce tout. Mais malheureusement je crois qu'il y a une espèce de je crois que on en arrive à oublier les belles mélodies, c'est dommage. Ah c'est dommage. C'est dommage. Bien sûr, oui, c'est ce que je dis aussi. Parce qu'une mélodie ça fait vibrer. Bien sûr, dire, oui, oui. Pour peu qu'il y ait le texte qui l'accompagne, qui est bien ouais, choisi, bien super, sûr, quoi, avec des belles paroles hein, et mais tout oui, ça, ça c'est, fait rêver. C'est magnifique, ça super. Fait rêver. Et on n'entend plus ça maintenant, je trouve. Non, hélas. C'est un peu plus sur révolutionnaire. Sur des grandes radios nationales, on n'entend plus ce... Je préfère dire je t'aime que je te hais. Hein. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire comme oui, ça. Oui. Et puis, voilà. On a parlé un petit peu de télévision tout à l'heure. Oui. Tu as fait un peu de télévision oui, aussi, oui, hein, oui. bien sûr. Ouais. Oui. Alors c'est pareil, c'était aussi une époque. Enfin bon, la semaine dernière, on était dans les années 70 avec Christian Vidal, l'époque des émissions de Guy Dux. Bien sûr, hein, oui, Guy Dux, oui, oui, oui. Mariti et Gilbert Carpentier. Tu vois, même Sébastien, voilà, Sébastien qui était le dernier à faire passer des mélodies, il l'enlève. Voilà, c'est fou, quoi. C'est fou, quoi. Ça, c'est. Des choses qu'on ne comprend pas comme ça, c'est vrai. Il y a plus de maintenant à la télévision, tu n'as plus de belles émissions de variété. Tu sais, Gilles, je crois qu'ils nous jettent trop tôt, c'est dommage. Ils nous jettent trop tôt, ils veulent nous jeter trop tôt. Oui. On se fait pas jeter. C'est dommage, il n'y a plus rien de bien. Il y a encore sur France 3 le samedi puis le dimanche, Les Grands du Rire. Je sais pas, tu connais peut-être, je sais pas si vous connaissez. Oui, à midi et demi, une heure, je crois. Une heure et demie, c'est présenté par Yves Lecoq. Oui. Et là, on voit encore des artistes de nos époques, tout ça qu'on aime bien. C'est sympa comme émission encore. Mais c'est tout, si Patrick Sébastien disparaît, Les Années Bonheur, voilà. Il n'y a plus rien. Mais Gilles, c'est quand même Johnny qui a réuni 1 million de personnes sur les Champs-Élysées quand il est mort. Oui, c'est sûr. Hein, c'était le public n'est pas dupe. Oui. Le public aime la mélodie parce que Johnny a chanté de la mélodie. Dit que c'est un rocker, mais c'était aussi un crooner. C'était un excellent crooner. Bien sûr, les chansons. Il a eu de très belles chansons, chantées, comme tu dis, pas spécialement sur du rock, mais sur des chansons. Je sais pas, moi, j'ai pas de titre. Que je t'aime, retiens la nuit. Tout ça, retiens la nuit. Bien sûr. J'ai oublié de vivre. Belle mélodie. Derrière l'amour. Bien sûr. Moi, c'est vrai que c'était une période de Johnny. Moi, j'ai moins apprécié les dernières années, tu vois. Par contre, le tout dernier qu'il a sorti, il est revenu un petit peu à son... Oui. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je veux dire, là, on entend du rock, on entend du blues. Là, je pense que c'est un j'en parlerai au diable. Oui, j'en parlerai au diable, tout ça, voilà. Alors, après l'aventure Sweet People, Rino, donc... tu reviens un peu la nostalgie de la famille, de l'orchestre, du public. De mon orchestre, de mon public, etc. Oui, parce que j'avais mis un autre chanteur pour me remplacer. Oui, bien sûr. Puis je l'enviais presque de me remplacer avec mon public, tu vois. D'accord. Ah, je dis non, il faut pas ça, nous. C'est à moi, non, ça. Il faut que pas nous. Non, non. Pas nous, les fans. Non, Natacha a déserté du coup. Ah, d'accord. Je ne suis plus allée au bal. D'accord. Donc ça a duré combien 4 ans ? Non, à peu près 4 ans. Oui, 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi avec Sweet People. Oui, d'accord. Après, j'ai retrouvé mon orchestre. C'était pas évident, hein, mais j'ai continué. C'est sûr que ça devait pas être comme évident. Comme quoi, la volonté, quand tu veux quelque chose, tu. Voilà. Oui. Il faut, même quitte à recommencer à zéro. Je crois que ce que tu as acquis reste. Oui, bien sûr. Et te sert toujours, tu vois. Oui. Donc, tu reviens près en Alsace. À Montbercail, l'aventure Sweet People. Hein, et puis, alors, ce que je veux dire, c'est qu'on va écouter une chanson. Hein, parce que il faut qu'on écoute une chanson. Oui. Bon, ça va, on a le temps. Il faut qu'on écoute. Alors... On va écouter Foudel. Et moi je suis Foudel, j'en rêve la nuit et le jour. Foudel, et je le serai toujours. Femme, à vous faire tourner la tête. C'est la plus belle des conquêtes. Quand elle parle, on ne peut que l'écouter. Pleine de charme, elle sait l'effet qu'elle vous fait. Et moi je suis fou d'elle, j'en rêve la nuit et le jour. Jaloux d'elle, si quelqu'un lui tourne autour. Elle le sait, mais elle fait semblant de rien. Fou d'elle, et nul ne peut rien changer. Quand elle danse, on ne peut que l'admirer. Sa robe blanche cache à peine son corps doré. Élégante à faire pâlir la beauté. Séductrice, rien ne peut lui résister. Et moi je suis fou d'elle, j'en rêve la nuit et le jour. jour. Jaloux d'elle, si quelqu'un lui tourne autour. Elle le sait, mais elle fait semblant de rien. Fou d'elle, et nul ne peut rien changer. Je suis fou d'elle, j'en rêve la nuit et le jour. Jaloux d'elle, si quelqu'un lui tourne autour. Elle le sait, mais elle fait semblant de rien. Fou d'elle, et nul ne peut rien changer. Et moi je suis fou d'elle, et je le serai toujours. Je suis fou d'elle, celle qu'on appelle l'amour. Voilà, fou d'elle, donc... Rino Lombardi avec nous cet après-midi sur les ondes de Radio Gamozo dans les années bonheur. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40. Ne soyez pas timide, faites-nous un petit coucou. Surtout pas. Et, parce que là j'ai deux artistes, Rino et puis donc Natacha qui est là aussi avec nous, qui sont très sympathiques. Alors ne soyez pas timide, appelez-nous, faites-nous un petit coucou, voilà, pour interagir avec, bien sûr, donc avec mes invités. Voilà. Alors, pour continuer, Rino, donc, tu participes à un programme de télévision en Italie. Oui, hein, Mille Voci. Donc, qui fera connaître dans ton pays d'origine. Oui. Hein, parce qu'à l'origine, tu es... Je suis italien. Et puis je suis resté nostalgique de la chanson des artistes qu'on admirait, Gianni Nazzaro, les grands groupes, tu sais, Lucky des chansons Blondo. Ah, oui, Lucky Blondo, il était. Non, Lucky Blondo était français. Il était français, oui. Tu confonds avec. Non, je confonds avec. C'est parce qu'il a repris la chanson en français. On a la crème à son vie. Bobby. C'est ça. Parce que Lucky Blondo l'a repris en français sur Ton visage, une larme. Bobby Solo, j'ai eu l'occasion de retrouver tous mes idoles de l'époque. Ah ouais. Je les ai retrouvés à Rome. Chez les dames, Gigiola Cinquetti. Oui, Gigiola Cinquetti, J'adorais Gigiola Cinquetti. C'est vrai qu'elle avait fait l'Eurovision en 1960. Qui avait gagné avec Nonoletta. Nonoletta. C'était en 62, je crois, dans les années, il me semble. Et puis qui avait sorti La Pioggia. Ah oui, L'Orage. La Pioggia. Ah, les souvenirs avec ça. Non, mais ça, c'était. J'avais acheté le 45 tours de. Je me souviens de. Donc, en français, la version française. Oui, c'est ça. C'est vrai que les Italiens, les chanteurs italiens, sont quand même des charmeurs. Non. Et Natacha, qu'est-ce que l'on pense? Probablement. C'est vrai. Non, mais voilà. C'est vrai. En Italie aussi, il y a des belles. Je pense, ça me revient tout de suite, les compositeurs comme Toto Cutugno, oui. Umberto Tozzi. Avec Tiamo, etc. Voilà, Toto Cutugno qui a fait la chanson donc L'été indien de Joe Dassin, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et qui a fait l'Italiano, Hervé Villar. Et qui a fait beaucoup de succès pour Johnny. Derrière l'amour, c'est Toto Cutugno. Ah oui, c'est juste après. Et qui a fait beaucoup de choses pour Sardou. Sardou aussi, bien sûr. Oui, c'est vrai. Oui. Hervé Villar. Reviens. Hervé Villar, c'est toujours Toto Cutugno, hein. Mais bien sûr. Toujours que de belles chansons. Ah, ben on écoute Italiens, toujours ça. C'est vrai que je sais pas. Voilà, c'est ça, comme on le disait tout à l'heure. Je le dis souvent. Ça nous manque. Et ils ont aidé à faire rencontrer beaucoup de couples, même en Alsace, partout. Hein. dans les bals du samedi soir, les gens se rencontraient. Ah oui, bien sûr. C'est Bosselot que l'on n'a plus maintenant. On peut plus maintenant. Bon, après, moi, je vais plus en boîte vu mon jeune âge. Bon, mais ça arrive des fois. Mais les souvenirs restent. Les souvenirs restent, tout à fait, Rino. Et je veux dire, c'est vrai que bon, ça arrive quand même qu'on aille voir des prestations d'artistes, des fois quand même. et qui passe quoi, là, ces belles chansons. Quoi, voilà. Mais je trouve aussi, si tu permets, je t'en voudrais souligner, oui, quand tu chantais des chansons de l'époque comme ça, les mélodies, oui, il fallait quand même de la voix. Il fallait de la voix, c'était pas murmuré. Hein. Murmuré, bien sûr. Ah bah c'était oui, c'était des chansons, tu vois. Oui, oui. C'était pas des chansons Facebook. Hein, c'était, oui, non, non, tu vois, c'était des chansons de scène, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est vrai. Alors, Rino, 16 albums à ton actif. Oui. Hein, c'est ça, hein, 16 albums oui, à ton oui, actif. Oui, oui, oui. On en parlera, on a encore bien sûr le temps du tout dernier. Oui. Oui. Et alors, le premier album qui est sorti en 2011, c'est ça, non ? Je me trompe ? Non, bah non, ces albums, oh, non, ça fait quand même. Non, ça fait quand même plus loin que ça, quand même, hein, je pense. Hein. Je perds le nord, moi. Oui, oui, Natacha, non, moi, je... moi. Beaucoup plus loin. Beaucoup on plus va loin. Dire que depuis que je suis avec toi, tu en as fait 8 des albums. D'accord. Et ça date des années 2000. Ah, des années 2000. Donc, entre 2000 et aujourd'hui, on a fait 8 albums, et avant ça, il a fait les 8 autres. D'accord, oui. Italie, oui, parce qu'elle est sur. C'est suivant l'inspiration, oui, Gilles. Hein, ça vient bien pas sûr, tout seul oui, non plus. Oui, oui, d'accord. Oui. Tu vois, et quand oui, le oui, public suit, ça te stimule. Oui. Et t'as envie sûr. D'en faire un autre parce que voilà. Et puis ça, c'est ça le plaisir de l'artiste d'être sur scène. Hein. Bon, oui, quand t'es oui, en studio, oui, oui, tu enregistres, ça, c'est bien, c'est formidable. Oui, oui, oui. Et oui, après, oui. Quand t'es sur scène, et ben, y a le public qui est là. Puis souvent, on dit, ben, s'il y a un ou deux tubes qui sortent de l'album, je ne sais pas, la chanson ne t'appartient plus, elle appartient au public. C'est vrai. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Vrai. Il m'est arrivé, moi, par contre, après une belle soirée, de rentrer à 5h, 6h du matin. Oui. Et en dormant, tellement stimulé par la belle soirée que je venais de passer, oui, de composer en dormant. Enfin, on me croit ou on me croit pas, mais c'est la vérité. Oui, hein. je peux me mettre dans... Oui, oui. Mais j'allais te poser la question, ouais, en fait... Ouais, Comment tu composes, enfin comment ça te vient, suivant, à quel moment, voilà, il y a pas de recette. Ouais il y a pas, ouais c'est ça, ça peut être, tu te dis pas, ça peut être, tu la te nuit dis aussi, pas comme maintenant tu dis. Aujourd'hui je vais faire une oui. chanson, non, c'est ton état d'âme, ton esprit qui te dit tiens, et tu voilà, prends la guitare tout chose, naturellement, voilà, tu vois, oui, tu vois, oui. C'est en fait, ça se commande pas, donc toujours à la guitare, ou quelques notes de piano, ouais, mais même comme ça mentalement, hein, tu peux composer une chanson dans ta tête, dans ton esprit, hein, d'accord, tu vois, c'est bien. Alors j'aimerais qu'on écoute une chanson qui s'intitule Comme avant, que chante Natacha. Ouais. Alors quand je l'ai écoutée, là, je me suis dit, tiens, on n'entend pas Rino dessus, mais il y a peut-être si sur les chœurs un petit peu à la fin, où je me trompe. Un petit peu derrière. Hein, oui, il faut savoir. Oui, il y a du cœur, oui, toujours. Oui. Il faut savoir être discret. Alors celle-là, je vais te dire très franchement. Oui. Celle-ci, Lynn ne me l'avait pas envoyée. Ah. J'avais été faire mon petit tour sur les réseaux, enfin pas sur les réseaux sociaux, oui, sur les plateformes, oui, de téléchargement. Oui, les plateformes, oui, j'avais oui, été oui. un petit peu écouté tout ce que tu avais fait, un petit peu. Oui. J'avais été un petit peu fouillé quand même, regardé oui. tout ça. Mais je veux dire, je connaissais quand même, parce que comme je te disais, je vais en Alsace de temps en temps, surtout sous le Colmar, Strasbourg, et je vais dans un magasin, je ne vais pas citer de nom parce qu'on n'a pas le droit, et que j'ai vu tes CD, Rino oui, Lombardi. Oui, oui. Et ça m'a accroché quelque part. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais pas écouté. Donc là, je suis allé faire un petit tour. Et puis j'ai trouvé cette chanson qui s'intitule « Comme avant ». Donc on écoute « Comme avant ». Tu pars, va où ta vie te mène. Ne t'en fais pas pour moi. Je sais, j'aurais beaucoup de peine, mais je n'en mourrai pas. Hélas, parfois la vie sépare les amoureux qui, comme nous, ont toujours cru que leur histoire était plus forte que tout. Rien ne sera plus comme avant, elle sera dure. Chaque minute, chaque seconde, je garderai l'envie de toi. Rien ne sera plus comme avant, difficile de tout effacer. c'est dans ta nouvelle vie. Est-ce que tu penses à moi? Dis-tu les mêmes phrases à celle qui t'a pris de mes bras? Mais je crois en mon étoile et j'ai mes souvenirs qui m'aident encore à croire que tout n'est pas fini. Un jour viendra où, comme avant, tu te rapprocheras. Voilà. Comme avant. On bavardait. On bavardait un petit peu. Voilà, comme avant. Bravo, Natacha. Merci, merci. C'est sincère, j'aime bien cette chanson-là. Quand j'ai écouté, je me dis, j'aime bien. C'est... Voilà. Donc, Rino qui chante un petit peu derrière hein, sur les. Oui. Sur les chœurs, je lui ai surtout fait le texte. Ah oui, c'est moi qui fais le texte pour Natacha. Oui. Alors, Natacha, donc tu étais fan. Oui. Après, tu. Elle après l'est toujours. Elle l'est toujours. Aussi toujours. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut toujours être fan. Fan et femme, oui. Voilà. Comme je disais, bon, j'ai eu Christian Vidal la semaine dernière. C'est vrai qu'on devient amis quand même. Enfin, moi, je sais que je garde des bons contacts avec tous les artistes que je reçois. On devient amis, mais on est fan quand même. Je veux dire, on est fan. Enfin, moi, c'est important. J'étais fan de Christian Vidal, je le Bien suis sûr. Toujours. Bon, après, voilà, il y a plein de. Mais alors. Oui. Je veux dire, est-ce que tu as, quand tu as commencé à chanter, est-ce que tu as pris des cours de chant? Comment pour toi, c'était comme naturel. C'est naturel, Ouais. J'ai toujours aimé chanter, par contre. Bien sûr, on m'a raconté, alors moi je ne me rappelle plus, mais que quand j'avais 3 ans, on me mettait déjà sur une table et puis c'était le concert à Noël pour la famille. D'accord. Non, mais bravo, c'est vraiment une belle voix, Natacha, que tu as. Merci. Ça fait plaisir. Non, mais c'est sincère. C'est sincère, c'est agréable. À écouter. Alors, on va continuer un petit peu, hein, bien sûr. donc après, alors bon, plusieurs albums, bien sûr. Hein, je regarde un petit peu les points principaux. Donc sur ta bio. Alors, on peut peut-être quand même commencer à parler du dernier CD. Oui, volontiers. À moins que tu veuilles. Non, comme tu veux. Veuilles donc un petit peu. Mais tu sais, Gilles, moi j'ai de CD là. Pour moi, c'est difficile de prendre telle ou telle chanson. D'ailleurs, quand je fais des concerts, etc., la plus grande difficulté, c'est de faire un répertoire. Parce que quand tu as tellement d'albums, il y a beaucoup de chansons et tu ne peux pas faire. Bien sûr. Non plus 8 heures de. Donc il faut en jeter. Ouais. Il faut en jeter. Et ça, c'est un drame. Oui, parce que ça ne doit pas être évident. Je les aime toutes. Oui, je comprends bien. C'est tout tes bébés. Ça, je préfère que tu choisisses, toi. Oui, alors c'est vrai que j'aime bien faire ma petite playlist. Je surprends un petit peu, enfin, c'est tout à fait gentiment, je surprends un petit peu les artistes parce que je ne mets pas tout à fait les chansons dans l'ordre. Parce que des fois, j'ai un artiste qui vient et qui n'a qu'un CD, qui a 12 chansons. Hein, voilà. Oui, oui, donc, oui, oui, oui. Après, je fais mon petit choix. Puis bon, en général, ça passe. Petit marché. Ça passe bien, c'est vrai que... Mais oui. Mais il y a quand même une chanson que j'aurais bien aimé qu'on écoute, qui s'intitule... Alors celle-là, j'étais aussi là... La piocher, laquelle, dis-moi. Alors ça s'appelle « Mon amour vient danser ». Ah oui, oui, oui. Parce que cette chanson, c'est une reprise de Julio Iglesias. Oui, il y en a beaucoup. Solamente una vez. Solamente una vez. Voilà. Oui. C'est pas une chanson italienne à la base. En italien, c'est une chanson italienne. C'est « Voliamo arti così ». C'est italienne ou espagnol. Solamente una vez et « Voglio amarti così ». Oui. Ça, c'est italien. Ah oui, ok, d'accord. Et moi, oui. J'en ai fait « Mon amour vient danser ». Voilà, mais elle est superbe. Voilà. Alors, quand j'étais là piocher, je me dis « Celle-là, il faut qu'on l'écoute ». Parce que bon, d'une part, j'aime bien Julio Iglesias aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Donc, je me dis « Mais j'écoute », puis je dis « Mais bon sang ». C'est un air qui me dit quelque chose. C'est une chanson que je connais, quoi. Mais tu sais, quand c'est chanté, alors je chantais en français, forcément, moi je la connaissais en espagnol, mais j'arrivais pas à remettre le titre, quoi. Oui, oui, oui, oui. Donc j'appelle ma compagne Patricia, je lui dis écoute, viens voir, écoute voir, dis-moi voir si tu connais, si j'avais du mal, si tu veux, tu vois. Tu sais que puis tu après, connais la revenu. Mélodie et tu sais pas d'où ça vient. D'où ça vient, ouais, voilà, ouais. C'est vrai. Mais ça, c'est le privilège des grandes mélodies internationales. Tu vois ouais, c'est ouais, tout à fait ça, c'est vrai. Ouais. Elle, celle-là, bon, chanter en français comme ça, je veux dire, voilà, dansons, c'est magnifique. Dansons, Gilles, dansons. Alors, dansons, alors je sais pas, j'ai ma collègue Lou, je sais pas si elle veut venir danser. On écoute. Et la musique te dira ce que moi je n'ai pas su. Et tes yeux peut-être luiront d'une flamme nouvelle. Et nos lèvres, qui sait, s'uniront en un doux baiser. Mon amour vient danser, mon cœur t'invite. Serrons-nous tendrement, oublions tout. Et la mer nous berce du va-et-vient de ces vagues. Même la lune s'en mêle, dansons, qu'elle est belle la vie. S'uniront en un doux baiser. Mon amour vient danser, mon cœur t'invite. Serrons-nous tendrement, oublions tout. Vient de ces vagues, même la lune s'en mêle, dansons, qu'elle est belle la vie. Voilà, mon amour vient danser. Moi, j'aime bien. Tu vois, t'es tellement troublé que tu prends la voix de Claire Gable un peu. Hein, hein. C'est vrai. Puis là, ça va parce que c'est du français. Ouais. Parce qu'en anglais, je suis pas trop bon. Voilà, on vient d'écouter cette belle chanson-là. Alors, Rino, tu te produis toujours sur scène, toujours avec orchestre. Est-ce que tu as plusieurs... C'est-à-dire... Est-ce que tu as plusieurs... je veux dire, si tu fais un concert quelque part, par exemple, peu importe, est-ce que tu as plusieurs formules? Est-ce que tu as la formule... Parce qu'il y a des artistes qui font ça maintenant, bon, je pose la question. Il y a des artistes qui font avec donc, tout l'orchestre. Ils font une autre formule sur bande orchestre avec oui. deux choristes. Non, là Natacha et moi, on est seuls sur scène avec les séquences. Oui, d'accord. Mais qui sont très, très professionnelles. J'ai, oui, bien sûr. On a un service technique, son lumière, oui. qui est donc qui m'appartient, un service technique qui connaît bien le travail. Oui. Et en principe, on fait les soirées comme ça. Et ça marche très, très bien. Bien sûr. Maintenant, quand on a des grandes scènes en plein air, par exemple, on était dernièrement en plein air à Alkirch, il y avait 7-8 000 personnes. Ah. Oui. Avec une énorme scène, là je fais venir un batteur, d'accord. un clavier, un guitariste. Un guitariste, oui, bien sûr. Voilà, ça c'est différent. Ah oui, c'est différent. Pour que ce soit plus scénique, etc. Ah, oui, bien sûr, oui. Mais, mais autrement, à nous deux, on fait le taf, on fait bien. Je me doute bien. On se repose pas trop, mais on fait. C'est vrai, d'accord. Ouais. Ouais. Non, ça sera un plaisir de venir absolument. Voir. C'est vrai que. Et bientôt, on sera dans les Vosges, Gilles. Bientôt dans les Vosges. À Bussan. Il faut le dire. Le dimanche 19 mai d'accord. 2019. Je note ça, Rino. Voilà, et on fera connaissance avec le public vosgien. Bien sûr. Qui est un bon public, je le sais. Oui, c'est vrai, je pense. Je le sais. Oui, puis bon, bah, Bussan, c'est tout près. Hein. Voilà. Bon, Bussan, et c'est, la, 30, c'est l'association culturelle de Bussan qui organise. Oui, oui. Donc ça sera au casino de Bussan. Au casino de Bussan, dimanche après-midi. Ouais. Ils ont une belle salle au casino de Bussan. Ah, je me réjouis parce que... Ah, oui. J'ai eu l'occasion d'y aller une ou deux fois parce que bon, on avait des contacts, si tu veux, avec la radio, le casino. Donc on faisait des fois gagner des places parce que tel artiste venait et le directeur de l'époque, bon, ça remonte quand même à 2-3 ans, on avait des contacts avec, tu vois. Mais on peut saluer le président qui nous écoute certainement. Et puis on se réjouit de venir. On sera tout prêt. Ça sera sympa. On sera tout prêt. Ah, tout on prêt fera la vous. Fête. Hein, on va faire la fête. Et super. Alors, cet album, donc le 16e album de ta carrière. Oui, hein, voilà, oui. Rino, donc l'album « Elle est mon ange ». Donc ça, c'est le titre éponyme de l'album, hein, j'irais bien. Oui. C'est bien ça. Et moi, je dis, quand on écoute, bon, je l'ai dit plusieurs fois aussi, parce que moi, j'aime bien la chanson romantique, etc. Je veux dire, si, quand on écoute tes CD, enfin, je n'ai pas tout écouté. Mais j'ai écouté pas mal, je garantis. J'en ai écouté pas mal quand même. Oui. Mon choix était un peu difficile. Je vois que tu connais bien. Non, tu connais bien. Oui. Et je veux dire, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais il n'y a rien acheté. Enfin, c'est gentil. On non, jette non, rien. Non, mais, non, non, mais on jette rien. Non, mais tu sais, des fois, il y a voilà, un artiste. Il fait oui, dans un album, il y a une ou deux chansons qui sont. Après, oui. C'est un peu du remplissage. Enfin, je sais pas. Je le dis, j'assume. Mais. Bon, forcément, moi, j'aime cette chanson. Il faut être honnête aussi vis-à-vis des gens qui achètent l'album. Tu ne peux pas faire une ou deux chansons. Il faut soigner toutes les chansons. Toutes les chansons, voilà. Oui, voilà. Bien c'est sûr. Ce qui est, c'est bien ce sûr. Que, malheureusement, on ne trouve plus aujourd'hui. Ah, il faut. Après, peut-être quelques... Il faut une rigueur. Voilà, même. C'est ça. On peut pas. C'est dommage, quoi, je veux dire. Voilà, c'est... Mais là, franchement, bon, bah, moi, c'est... C'est gentil, c'est mon j'apprécie. Univers. Non, j'apprécie. Mais c'est sincère, Rino. C'est mon univers, ça. C'est... Voilà. Donc là, je veux dire, il y a voilà, c'est toutes ces belles chansons. Alors bon, là, j'ai pris des extraits de plusieurs de tes albums. Oui, hein, oui, bien oui, sûr, oui. Hein. Alors, on va écouter ce titre de Elle ton... est mon ange. Elle est mon ange, de ton tout dernier album. Oui, voilà. Tout à fait. C'est le dernier album. Qui est sorti... Il est sorti il y a combien c'est, En avril, il y a 6 mois. En avril, voilà, c'est tout. Oui, tout récent. Tout récent. Voilà. Tout chaud. On écoute Elle est mon ange. Elle était là dans mon sommeil, elle était là dans mes réveils, et tout me semblait plus facile. Elle était là dans ma musique, elle vivait dans ma dolce vita, elle qui a toujours cru en moi, qui m'a souvent tendu les bras dans les moments où ça n'allait pas. Elle est mon ange sur cette terre, elle est mon ange. Elle est mon ange sur cette terre, elle est mon ange. Jamais superficielle, se fout de ce qu'on pense d'elle, pleine de douceur et de tendresse. Elle m'est toujours restée fidèle quand je chassais des arcs-en-ciel. Elle qui sépare les roses enfants, qui trouve les mots qui les font grands, elle qui vous rend la vie plus belle. Elle est mon ange sur cette terre, elle est mon ange. Elle est mon ange sur cette terre, elle est mon ange. Changer d'un iota, elle aime les siens, elle aime les autres. Elle aspire à une vie tranquille entre ses amis, sa famille. Elle me connaît mieux que moi-même, elle ne me dit jamais je t'aime, mais elle le prouve dans ses silences. Elle est mon ange sur cette terre, elle est mon ange. Sur cette terre, elle est mon ange. Elle est mon ange. Voilà, je suis en train de faire travailler Natacha et puis Rino. Ils ont le stylo dans la main. Pour les petits... Avec plaisir. Mais c'est gentil, merci à vous deux pour les petites dédicaces. Voilà, on vient d'écouter Elle est mon ange. Alors, c'est un album, donc tu l'as dit, Rino, sorti en avril 2018. Oui, oui, hein, c'est oui, bien oui. Ça, ouais, ouais. Donc, 12 chansons hein, qui composent cet album. Oui. Hein, c'est bien ça. Hein. Par rapport à la scène, elles correspondent bien à Rino. Une tout à fait, oui, parce qu'il y a aussi une belle tarentelle italienne que j'adore. Ah, tu sais. D'accord. Ça sent bon les mais pâtes fraîches. Je ne l'ai pas eu celle-là. Tu l'as pas eu. Alors je ne sais pas c'est quoi le titre. Et come facete mamette, come facete. Ah, mais c'est. Mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Suis sûr. Non, mais je ne l'avais pas, sur les fichiers, mais je veux dire, je l'ai entendu sur. Ça sent bien la fête italienne, oui, tu oui, vois. Oui, tout à fait, oui. Où les amoureux de belles mélodies et de beaux textes, voilà, ça c'est bien, seront heureux d'y retrouver ce qui fait pas la particularité de ce chanteur. On peut te considérer comme un chanteur de charme, Bruno. Romantique. Oh, ma foi. Voilà. Chanteur de charme, mais tout en aimant la fête aussi, quand même, tu vois. Ouais. En fait, quand je fais une soirée, j'adore que les gens passent une belle soirée, s'amusent. Tu vois, qu'ils soient bien sûr sous le charme de belles chansons avec texte, etc. Mais bien en sûr, même temps, oui. qu'ils fassent la fête, parce oui. que la fête fait partie de nous, français et latins, tu vois. Bien sûr, oui, tout à fait. Il faut. On en a besoin. Bien sûr. On en a besoin. Il faut qu'il y ait du rythme, de l'humour. C'est un tout, ouais. Une soirée. C'est, voilà, c'est j'adore sûr, ça. Un très bon rocker aussi. Hein, un très bon rocker aussi. Un très bon rocker aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors au niveau du rocker? Je sais pas, une chanson que. J'ai sorti des chansons dans les albums précédents. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Ne sois pas jaloux. À l'occasion, tu l'écouteras. Ne sois pas jaloux. Je l'ai pas écouté. Oh Marie. Ouais. Oh Marie. Écoute ça, tu verras. J'ai pas écouté, par contre. Oui. D'accord. Mais c'est pour les prochaines années, Gilles. Oui. T'as le temps. Oui, bien sûr. Mais tu sais que... Tu as 16 albums à découvrir. Oui. Il y a de quoi faire. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pioché, hein, comme je leur dis. Hein, j'ai pioché dans plusieurs albums, et puis c'est pour ça que j'avais un petit peu modifié les fichiers que m'avait envoyé Hélène. Donc, hein, voilà. Alors, une que j'aime beaucoup aussi, sur cet album... Dis-moi. C'est la Luna Blue. Ah, la Luna Blue. Ah, ça, j'adore. Qui est un beau duo, hein. Ça, c'est un beau duo, oui. Ça. C'est... Alors, rue 17h14, donc, on va écouter. Et puis, on en reparle après. Oui, okay. Tout à fait. La Luna Blue. La luna blu Blue. La Luna Blue. La Luna Blue. Oui. Il faut que j'y sois en radio. Très il faut romantique. Qu'on soit. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on parle plusieurs langues des fois, tu sais. Bon, l'italien, ça va encore à peu près. Je dis pas que c'est facile. Hein. L'espagnol, j'arrive bien. Oui. L'allemand, je me débrouille. C'est plus difficile. Ça va. Mais c'est l'anglais. Ouais. Il y en a qui vont rire derrière. Donc, c'est l'anglais. Quand les titres sont courts, ça va. Mais l'essentiel, c'est de se faire comprendre. Oui, bien sûr. C'est que les Italiens, même sans parler anglais, ils arrivent à se faire comprendre avec les mains. On parle avec les mains, les Italiens. Ils parlent avec les mains, c'est vrai. Donc, Rino, Natacha, voilà, j'espère qu'on a fait un petit peu le tour. On a passé une belle. Est-ce qu'on a fait un peu le tour ? J'ai pas vu le temps passer. Oui, on voit pas le temps passer, c'est vrai. Puis, bien sûr, on va réécouter encore une chanson, hein, bien sûr, oui, avant volontiers. De se quitter. Donc j'espère qu'on on aura fait un petit peu le tour de la carrière. Oh non, merci de ta beaucoup, carrière, tu as passé pas mal Natacha, de chansons, c'est gentil. Ben, oui. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je sens que tu es du métier. C'est important. On essaye Mais oui, parce qu'il y a animateurs et animateurs. Il y a des animateurs qui passent les chansons parce qu'il faut les passer. Oui. Et il y en a qui les passent parce que tu as bien choisi, tu les aimes. Oui, j'espère aussi que j'ai bien choisi, mais... Comme tu disais, il y a 16 albums. J'aime bien le sourire de Natacha. 16 albums, il y a du boulot. Mais comme j'avais dit, hein, j'ai été pioché. J'ai un petit peu, tu vois, un petit peu bousculé la playlist que j'avais fait avant. Mais je me dis, tant pis, ça fait rien. Ils vont pas m'en vouloir. C'est ça quand tu prépares une émission, tu vois. Quand tu as les chansons, quand tu découvres les chansons, et comme je disais tout à l'heure, on les normalise un petit peu. Hein, je dis pas que c'est mal enregistré, attention. Je dis qu'on les normalise pour que ça passe dans une. Pour que ça passe bien en radio, bien au même niveau, etc. Bien entendu. Là, je me régale. Franchement, je me régale. Oui. C'est très sincère. Là, je me régale. C'est ça qui fait partie pour l'animateur. Ça, c'est le côté, plaisir de métier. Le côté sympa, quoi, je veux dire. Alors, je donne du travail à mon agente, Aline. Oui, merci, Aline. Hein. Donc, mais voilà. Bisous au Québec. Et puis après, on dit un gros bec. Un gros bec. On dit aussi. Mais donc, et puis, à mes fans, tu sais, j'ai des fans au Québec. Hein. J'ai pas mal de fans. Voilà, je les embrase parce que on ne s'est pas vu depuis longtemps. Alors, on va, oui, parce qu'après, il faudra qu'on prenne le temps de se dire au revoir quand bien même. Sûr. Bien sûr. Hein. Bien on sûr. Va écouter donc Si loin de toi. Ah, hein, on écoute ça. Si loin de toi. Et on en reparle après. Merci. Cominciare insieme aspettami. Tornerò. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Si loin de toi, je me sentirai seul là-bas, dans ce train qui m'emmène. Tu me manques déjà. Sèche tes larmes, je ne t'oublierai pas. Si è già seccata ormai e mi è impossibile vivere senza te. Si loin de toi, je me sentirai seul là-bas, dans ce train qui m'emmène. Il me manque déjà. Voilà, si loin de toi. Alors, je précise là que c'est tiré de l'album « Si on partait loin de tout hein, ». Oui, on précise oui, bien, oui. Voilà, c'est pas du tout dernier album. Non, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, hein, si on l'avant-dernier, partait loin oui. De tout. Eh bien voilà, Rino, Natacha, moi je voulais encore vous dire un grand merci d'être venu dans nos studios comme ça. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça nous fait plaisir. J'espère que bien sûr ça aura fait plaisir à nos auditeurs, nos auditrices et puis tous les amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'espère qu'ils ont senti l'ambiance qu'il y avait parce qu'on était bien. Ah ben oui, c'est chaleureux. Ah, c'est chaleureux. Ben, écoute, c'est vrai que ça passe vite, c'est vrai, oui, ça passe vite. Oui, très vite hein. Alors moi j'aime bien cette quand on est là en live, quand on est ensemble, oui, on n'a pas vu l'heure passer. Voilà, vraiment, on voit pas l'heure passer. On est tous ensemble là, on passe un bon moment. Enfin, j'espère que voilà que j'aurai été à la hauteur pour vous deux de voilà. Je dis pas ça pour. Bon, mesdames, mesdemoiselles, maintenant il faut faire la soupe hein, parce que bientôt il faut conclure. C'est bien beau d'écouter de la musique, mais là il faut se mettre au boulot hein. Ouais, mais on peut travailler en écoutant de la musique. Absolument, ça aide. Alors bon, encore merci tous les deux hein, merci d'avoir à toi. Été présents. Merci, vraiment, merci Gilles, merci pour vos sourires. Techniciens, merci beaucoup. Hein. Merci Mika la technique. Alors amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission se termine tout doucement. Je vous annonce l'émission de mon amie animatrice Lou à 18h dans l'heure des loups. Ce soir, le thème c'est Carrefour. Oh, qu'est-ce qu'elle écrit mal. Carrefour d'univers, lyriques, musicaux. Picturo avec Gamidas. Voilà. C'est merci Carrefour ou Corfou. C'est pas pareil. Hein. Ah, c'est pas pareil, non. Carrefour. L'invité, c'est Gamidas et il représente ce Carrefour, ce mélange de styles que tu viens de citer. Ok, ah, d'accord. Oui, très bien. Oui. Merci, Mika. Donc voilà, amis auditeurs, auditrices, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Salut, merci beaucoup. Bye. Merci, bye. Ciao. Au revoir. Arrivederci. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe.